You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and St. Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons, à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com et en direct sur Facebook. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Freddy. J'ai perdu ma souris. Oh. Ah ouais, je suis célibataire. Oh. How are you doing? I'm doing well. It's getting cold. It is getting chillier. Yeah. So, yeah. It's almost the name of my village, Chillier. Except it's chillier. Ah, okay. It's different. C'est différent parce que c'est pas pareil. Yeah. Like Ballisto? Yeah. You always bring up that commercial I don't remember about. Yeah, no, but I always think that when you make that, you know, play on words... Yeah, that's a reference to Ballisto. No, okay. I think Ballisto is a candy bar, right? In France, and the commercial would go Ballisto, c'est différent, c'est pas pareil. I think I got it from the stand-up comedians Les Inconnus. They brought it up one time. So, okay, I don't know, maybe. Well, so do you want to know what I've planned for tonight? Yes, please. Because we haven't talked. We just met like 5 minutes before the show and you don't know anything about me. No. And what I've done. So what I decided to do is because yesterday was La Toussaint, or Old Saints, and that's typically when people in France go to the cemetery once a year to clean up the tombs and pay respect to the dead. Yes. And so I decided to do like a playlist about death, la mort. Mm-hmm. And there's a lot of songs talking about it. Yeah. But well, it's going to be a very cheerful evening. A lot of it is a little bit depressing. So. Mm-hmm. Oh, I wonder why. I don't know. So I decided to balance it with some other songs about la vie, life. Mm-hmm. So. Like every three songs, it's going to be a set, and that's going to be about life, and then the three next songs are going to be about death. So, or songs about it, and some are not that sad about it, but yeah, I think it should be all right. So that's okay. It's the post Halloween. Yeah, it's not that scary, but it's a little bit more. Yeah, I mean, there's a lot of songs and artists that touch on. On the subject because it touches everybody. All of us, yeah. Mm-hmm. All right, so we're going to start with, let me set myself up, Berlioz, and it's from, the name of the song is Béatrice et Bénédicte, mourez tendre époux, die dear spouse or husband. Then we're going to listen to Francis Cabrel with C'était l'hiver. Mm-hmm. I think it's one of his most depressing songs. Oh, mm-hmm. Not as depressing as Le Petit Ingris. But it's good. It's following. Okay. Then Mademoiselle K with C'est la mort, and that's a little bit more lively. Maybe not the topic, but the music is. And then we'll come back, and after that, it's going to be a set about la mort, but la vie. La life, yeah, the life, de la vie. J'aime la vie. Do you have that one? No. No? No. That was Eurovision. A song from a young Belgian girl back in like, you know, 1990, whatever. Mm-hmm. Name was Sandra Kim. I think I'm quite glad I missed it. Yeah. But, okay. Yeah. All right. On y va. Eh ben, c'est parti. Oh,

Mais si depuis ce soir-là je pleure, c'est qu'il fait froid dans le fond de mon cœur. Elle a sûrement rejoint le ciel, elle brille à côté du soleil, comme les nouvelles églises. Mais si depuis ce soir-là je pleure, c'est qu'il fait froid dans le fond de mon cœur. Voilà. Et voilà. We are back. We heard three songs about death. So the first one was from Berlioz, Hector Berlioz. Bénétrice et Béadicte. Et Bénédicte. Béatrice mourait. Et Bénédicte. Ouais. Et pas Bénétrice et Béadicte. Non. J'ai ma fourche qui tangue. Oui, c'est ça. Oh, ma tangue qui fourche. Mourait et tendre époux. Then after that, it was Francis Cabrel with C'était l'hiver, mm-hmm. Which is a very sad song about someone who ends alive. And then C'est la mort de Mademoiselle K. And she was, that was more a beat. Yes. She was really saying that, you know, everybody dies at some point, but she was more laid back about it. Yeah. Well, I just wanted to say thank you for the pledge drive. Yes, thank you. Merci beaucoup. We ended last week. We were a little bit short of the general goal, but very close nonetheless. And actually, they got quite a bit of money after the fact. Yes. Yeah, it was a little bit surprising. I mean, you know, when they say like on Wednesday night, okay, yeah, well done tonight. After that, there's still some, I mean, people sending checks or maybe via Pony Express or Quell. But, you know, it got to us. So thank you. We really appreciate your support because we wouldn't be here. I mean, we don't take any money, but the rest of it does. So did you know there was a power outage on Sunday morning? No. In the studio, in the neighborhood, there was a power outage on Sunday morning, and that fried the board in Studio One. Mm-hmm. So Studio One is, until they get a new board, is not operational. And Studio One is the backup of Studio Four. We're in Studio Four right now. Mm-hmm. So typically when something happened in Studio Four, and it has in the past, like when one of the components is just dying, you know, or died. We go to Studio One. Everyone goes to Studio One. It has the exact same capacities. So, Studio One is down. And there's a lot of people who are doing like pre-recording. Yes. Who are using Studio One because of the resources. And that's where we were trained. Yes, that's true. Well, compared to the other studios, we have two more small studios. Mm-hmm. They connected a turntable in one of the other studios. So this way, you know, people can still use vinyls and things. But Studio One has the phone, so you can do phone interviews. There's the turntable, CDs and things. And so, yeah, I mean, hopefully they're going to get the board fairly soon and they can put it back in action. I don't use it because I do everything from home, even when I pre-record. But I'm sure some people do. So thank you again, and thank you to Barbette. So we had one person giving and calling. So Philippe was able to get a gift certificate of $50 from the Barbette restaurant in Uptown Minneapolis. We still have one left. So what's going to happen is I'm waiting from Debbie to get the list of people who gave to us, and I'm going to contact them or you and see who wants it. Mm-hmm. And out of the people who wants it, I'll just roll the dice, you know? Mm-hmm. I think that's a good idea. I think so. So let's listen to more songs. And this time it's about life. Mm-hmm. So I need to find them because my list is a little bit messed up. So we're going to listen to a song from Grand Corps Malade. So Grand Corps Malade is doing a little bit of rap, singing, talking, he's poetry. A slammer. Yeah. A slam, yeah. And the name of the song is Mille Vies, or 1,000 Lives. And it's from his album Plan B. Then we're going to listen to Vita, which is also featuring Slimane. And the name of the song is A la Vie. And then Tete, with a song called A la Vie, à la Mort, to the life, to the death. And it's from his album, like, I think that was like early 2000 or something like that, Le Sacre des Lemmings. So, all right, let's find a song. On y va. And we'll be back shortly. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio. C'est parti, mon kiki. Un Rubik's Cube, la vie est pleine de facettes. Faut faire tourner les couleurs, savoir répondre aux casse-têtes. Entre les vertes et les rouges, il faut trouver les liaisons. La vie a plusieurs faces et tellement de combinaisons. On s'est tous demandé par quel côté commencer. Comment éviter les erreurs ou comment les compenser. On a appris, on a raté et on a changé d'avis. Dans le Rubik's Cube, on a tous eu mille vies. Je suis censé être à mi-parcours de ce qu'on appelle l'existence. J'ai regardé devant un peu derrière, j'ai évalué les distances. Et dans ce parcours compliqué, j'ai ouvert tous les tiroirs. Y a beaucoup de vies qui sont tombées quand j'ai secoué ma mémoire. Quelques bons choix pour aller haut, aller haut. Et des ratés, des aléas, aléas. Je suis perdant de cette vie-ci, vie-ci. Et pour celle-là, je suis lauréat, lauréat. Quelques bons choix pour aller haut, aller haut. Et des ratés, des aléas, aléas. Je suis perdant de cette vie-ci, vie-ci. Et pour celle-là, je suis lauréat, lauréat. Entre coups de cœur et coups de cul, beau hasard et belles envies, on a fait ce qu'on a pu, on a tous eu mille vies. Élève à facilité, un peu trop dissipé, maison près des cités, full bazar puis le CP. Des modèles à la maison et des exemples dans la rue, sur trois ou quatre horizons, j'ai pu aiguiser ma vue. Gentil fils bien élevé, petite carrière à morvonner, adolescent bien casse-cou et sportif touche à tout. Tennisman et sprinter, basketteur bien physique, prof de sport, entraîneur, bientôt tétraplégique. Commercial dans un bureau, loin de leurs us et coutumes, loin de leur rentabilité, de leurs bonus et costumes. Banlieusard dans l'âme et même apprenti bobo, amoureux de ma femme et bien sûr papa gâteau. Quelques bons choix pour aller haut, aller haut. Et des ratés, des aléas, aléas. Je suis perdant de cette vie-ci, vie-ci. Mais pour celle-là, je suis lauréat, lauréat. Quelques bons choix pour aller haut, aller haut. Et des ratés, des aléas, aléas. Je suis perdant de cette vie-ci, vie-ci. Mais pour celle-là, je suis lauréat, lauréat. Entre coups de cœur et coups de cul, beau hasard et belles envies, on a fait ce qu'on a pu, on a tous eu mille vies. Tel un Rubik's Cube, la vie est pleine de facettes. J'ai pisté les bonnes couleurs, j'ai grillé certaines cachettes. J'ai pas cherché les problèmes et parfois ils m'ont trouvé. Pour l'esprit d'adaptation, j'ai plus rien à prouver. J'accumule les existences et j'aime vivre à l'excès. Mais qui a plusieurs vies a bien plusieurs décès. Faire le deuil de certains souffles pour retrouver la joie. Accepter d'être mort déjà une ou deux fois. Pour ma dernière vie en date, j'ai trouvé une belle piste. J'ai écrit sur tous les fronts, certains m'appellent l'artiste. J'ai plusieurs cordes à mon stylo et je veux en faire bon usage. Dans cette vie-là et celle d'après, je ne serai pas plus sage. Quelques bons choix pour aller haut, aller haut. Et des ratés, des aléas, aléas. Je suis perdant de cette vie-ci, vie-ci. Mais pour celle-là, je suis lauréat, lauréat. Quelques bons choix pour aller haut, aller haut. Et des ratés, des aléas, aléas. Je suis perdant de cette vie-ci, vie-ci. Mais pour celle-là, je suis lauréat, lauréat. Entre coups de cœur et coups de cul, beau hasard et belles envies, on a fait ce qu'on a pu, on a tous eu mille vies. Choix et t'éloigner de moi. Tu pourrais même les oublier, nos souvenirs et nos secrets. Tu sais, tu pourrais partir loin et même me lâcher la main. Je ne te laisserai jamais tomber. À la vie, à la muerte. À la vie, à la muerte. La vie, à la muerte. Le sang de la veine pour les joies et les peines. À la vie. M'a fait pleurer, t'étais là pour m'épauler. Je sais que je ne suis plus seul, depuis toi plus jamais seul. On ne fait jamais semblant, on se blesse de temps en temps. Je te laisserai jamais tomber, à la vie, à la muerte. À la vie, à la muerte, la vie, à la muerte. Le sang de la veine, pour les joies et les peines. À la vie. Si un jour sans le vouloir, on s'éloigne, on se sépare. Sache que rien n'aura changé, comme si rien ne s'était passé. Ce qu'on vit, je sais, c'est beau. Tous les deux le même bateau. Je ne te laisserai jamais tomber. À la vie, à la muerte. À la vie, à la muerte. La vie, à la muerte. Le sang de la veine, pour les joies et les peines. À la vie. Ma vie, mes peines, tes joies, les miennes. Ma vie, mes peines, tes joies, les miennes. À la vie, à la muerte. le sang de la veine pour les joies et les peines. À la vie, à la muerte, la vie, à la muerte, le sang de la veine pour les joies et les peines. La mélancolie, quoi qu'on en dise, sublime l'heure et les saisons. Telle douce amère friandise, qui n'aurait de douceur que le nom. Ajoutez-y à votre guise un peu de menthe et de citron. Puis enfin la brise, les lueurs du couchant, guidées sans faillir, hanches et palpitantes. Louons mes amis à la vie, à la mort, ces langueurs qui soignent le cœur, l'âme et le corps. La mélancolie plus que nulle autre élève l'âme et la raison. Pour mesdames, ne m'en fais l'apôtre, il n'est qu'à regarder l'horizon. Comment bientôt ne pas frémir sous le coup de tant d'émotions. Qu'un passé minuit, reines et vagabonds, mêlent sans faillir chaînes et violons. Louons mes avis à la vie, à la mort, la fraîcheur de ces nuits qui terminent nos erreurs. Pas de cinéma, la partie ma foi se pratique jour contre jour, couché, assis ou debout. Oh, louons mes amis à la vie, à la mort, ces rondeurs qui trahissent la Vénus qui s'ignore. Oh, louons mes amis à la vie, à la mort. Oh, ces langueurs qui soignent le cœur, l'âme et le corps. Et voilà, nous sommes revenus. Ben oui. True, we didn't go anywhere. True. But we chatted a little bit. Yeah. So we just listened to three songs. The first one was from Grand Corps Malade, Tall Body. Tall Sick Body. Tall Sick Body. And it was Mille Vies, or 1,000 Lives. Then after that it was Vita avec À la Vie, to life. And then last it was Tété, who I was lucky enough to see in the here. Twin Cities. Yeah. Right? Oh, that was when, like 12 years ago? Oh, it was a long time. Yeah. And it was À la Vie, à la mort, to the life, to the death. So, yeah, tonight is a celebration of life and death. Mm-hmm. Death being a celebration of life, because when someone passed away, we typically talk about what they've done during their life, yeah, not what happened to their death. That wouldn't be appropriate. But, sure. Yeah, so we're going to listen to more songs, alternating three songs for life and three songs for death. And the next upcoming ones are going to be about death. That's true. Why is that not lined up? Yeah, it's not lined up. It's about life now. Well, that's okay. No, I can. Oh, yeah. Let me check. Yeah, I messed up my series. That's what happens when I do it too fast or distracted or something like that. So we're going to listen to Brigitte Fontaine. Ah. Dommage que tu sois mort. Oui, c'est vrai, c'est dommage. Too bad that you're dead. Then we're going to listen to France Gall, which you said recently, oh, we don't listen to a lot of France Gall. That's true. So it's going to be the song called Évidemment. Ah, beautiful song. Yeah. And then another beautiful song from Birds on a Wire called La Jeunesse des Morts. Mm-hmm. The Youth of the Dead. And on y va. Eh bien, allez, c'est parti. En avant, Guingamp. Je t'aurais bien invité à prendre le thé dehors. Je t'aurais bien invité, dommage que tu sois mort. Je t'aurais montré le soir quand le ciel est vert encore, quand le soleil. J'aurais bien su te parler de moi et de mon cher corps, de la chaleur des rochers. Comment peut-on être mort? Je t'aurais bien mort. Je t'aurais bien invité. Comment peut-on être mort? À venir prendre le thé, dommage que tu sois mort. Je confesse mon penchant, un grand faible pour les forts. Dont on se fout. C'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change tout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Qui lui ressemble aux corps adolescents animés par l'orgueil, à ceux dont le plaisir, le rire, le bel oeil ignore qu'on vieillit, qu'on regrette et qu'on tremble. Où sont ces jeunes gens? Quel est ton désespoir lorsque saigne et chancelle la jeunesse qui seule est fière et naturelle et brille dans l'azur comme un lingot d'argent? Ces enfants bondissants partaient contents de plaire au devoir, à l'honneur, à l'immense atmosphère. Aux grands signaux humains brûlant sur les sommets, ces enfants bondissants partaient contents de plaire. Ils dorment à présent saccagés dans la terre qui fera que la patrie en pleurs, mais stoïque permet. Liebe Katharina, dieser Krieg ist entsetzlich. Morden und zerstören, Schönes, Lebendiges, in Schutt und Verwesung verwandeln. Es ist ja möglich, dass man zurückkommt, aber für die Menschen und für die Frauen besonders stehe ich in der Verlustliste. Vielleicht ist es gut, dass Mama tot ist. Wir haben es auch verlernt, Söhne zu sein. Lucien. La jeunesse qui seule est fière et naturelle. te voir à l'honneur, à l'immense atmosphère. Aux grands signaux humains brûlant sur les sommets, ces enfants bondissants partaient contents de plaire. Now that the kids are back in school, you want them to bring home their art pieces, science projects, and of course, good grades. What you don't want them to bring home is COVID-19. That's why it's vital you get them vaccinated as soon as they're eligible. Vaccines are proven to be effective against the Delta variant, and they're still the best way to protect your kids and everyone in your household. Ask your doctor if you have questions. We can do this. Find vaccines near you at vaccines.gov. Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services. Programming on KFAI is supported by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated, Southside Pride supports the racial and cultural diversity of the many neighborhoods that make up South Minneapolis. More information is available at southsidepride.com. Programming is supported by Two Betties. Everybody knows about Two Betties. It's the locally owned company providing green cleaning services for residential and commercial spaces. Besides being eco-friendly, Two Betties is known for offering its employees flexibility, living wages, health insurance, and a 401k. Two Betties is looking for people to join their team now. To learn more, go to twobettiesclean.com/jobs. That's twobettiesclean.com/jobs. Et voilà. Nous sommes de retour. And we are not the two Bettys. No. No, we are Romain and Freddy. Freddy. And both Frenchies. Yeah, the two Frenchies. Yeah. Mm. And in Bonjour Minnesota on yes, KFAI Radio. We were just listening to the trivia and it was quite interesting. They were talking about like a bunch of islands and asking what the country of origin or what the... What country colonies. They belong to, basically. Yeah. What or they were part of. Yeah. What colonies they belong to. And there was Guadeloupe and Martinique. Yeah, Guadeloupe and Martinique was from France, but there was Saint-Martin and some others that I knew was from the Netherlands. Yeah. And I know, because they talk about Midway, I knew that that was the US. Yeah. Mm-hmm. The one I didn't really know... it was Norfolk. Australia. Australia, and it's a bit far. I thought I would have said Canada, because I think they have some Norfolk over there, but maybe not islands or things like that. So, but it was quite interesting. Mm-hmm. And we were talking a little bit earlier also about Netflix and series, and I was saying that last night I watched a documentary that's. That's a documentary about Guy Georges, and it's called The Woman and the Murderer, and it's on Netflix, and it's a documentary about one of the first serial killer in France and in Paris, and back in the 90s. Guy Georges, and I was there, de l'Est parisien, but it started more into the Was it his nickname? North and East. Yeah, at first he was starting at the East, but they find out that there was also some people because it took them quite a bit of a time to make the connect the dots in between the victims. Yes, and because they realized that they were from the same Right, the same MO. They didn't have, everything was on paper. So the guy, the scientific, the doctor who did the ADN stuff, research, he had to pull each individual paper file and compare the number of the paper file of that case with the one from Guy Georges. And eventually they found him, but it was a very manual and archaic process. So, but it was very interesting. Yeah, I was there at the time, and I don't remember much about it, maybe because I was not a woman. I was not... Plus, he was from the center of Paris and not the east. That's true. He stayed away from the center pretty much, but... But yeah, no, and I had a new job in 95, so it was kind of new to me. I kind of didn't really see it. And they were trying to keep the lead on it until a certain point. So yeah, that's not super exciting, but it was an interesting documentary. Because one of the things also that they show is the trial in 2001. Yeah. Mm-hmm. And I didn't remember about the trial. I was already gone from France and from Paris. So I didn't really know anything about it. I mean, I might have read it. All right, so now we're going to switch to the series about life, another three songs about life. Did I say what we just listened to? I don't think so. Brigitte Fontaine, Dommage que tu sois mort. You did not back announce. Nope. France Gall with Évidemment, of course, and Birds on a Wire with La Jeunesse des Morts. Now we're going to listen to Slimane with Ainsi va la vie, Here Goes Life. Then Trois Cafés Gourmands with Ainsi va la vie. Yeah, because I picked them by alphabetical order, as you can guess. And Benabar with Alors... Ainsi va la vie. No. No, okay. No. Alors c'est ma vie. So it's my life. And we'll be back after that. Eh bien, c'est parti. Raconte-moi une histoire, j'ai trop de mal à dormir. Dis-moi qu'il n'est pas trop tard, que le meilleur vient après le pire. Que dans les années 80, on savait faire la fête. Qu'on n'avait peur de rien, ni du voisin, ni que ça pète. Que le temps passe vite, mon fils. Tu sais, le temps passe. Tu sais que le temps passe. Ainsi va la vie. Va et vis. Dans les rues de la ville, ville, ville. Va et vis. Ainsi va la vie. Va et vis. Dans les rues de la ville, ville, ville. Passé fantastique que je n'ai pas connu, dont je suis nostalgique comme tous les enfants de la rue. Dis-moi qu'il faut rire jusqu'à me clouer à terre, même à en souffrir comme le disait la grand-mère. Que le temps passe vite, mon fils. Tu sais, le temps passe. Tu sais que le temps passe. Ainsi va la vie. Va et vis. Dans les rues de la ville, ville, ville. Va et vis. Ainsi va la vie. We'll be right back. ainsi va la vie. Dès demain, tu prendras le bateau vers une île, en portant avec toi nos photos. Imbécile, chacun vivra ses difficiles, ce court moment un peu fragile de ton départ. De cet adieu un peu amer, une défaite parmi les fêtes. Ainsi va la vie, nos envies, nos départs. Nos détours et nos chansons d'amour. Toutes les nuits, on rentre tard et on écrit l'histoire de nos vies. À ton retour, tout aura changé. Libre de penser et de savoir, quitte à choisir, quitte à trier, à décevoir, à expliquer. Ton absence était assez longue et les richesses de ta mémoire sont si profondes que le vent et l'ombre poussent les ivresses et tes années. Fuis la jeunesse et des tracés non réfléchis, non aboutis. Et tu nous dis que c'est ainsi, ainsi que va ta vie, tes envies, tes départs, tes détours et tes chansons d'amour. Et on écrit l'histoire de nos vies. Le soir se couche, la neige est là. C'est l'hiver à Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce que tu crois? On n'oublie pas, il y a toujours une place pour toi. Et son cœur saigne et nos mains tremblent, mais la lueur de ton retour nous donne espoir et nos corps lourds se lèvent enfin pour te rappeler qu'on est des amis. J'ai un ulcère, des haltères, 40 et quelques années, à me demander ce que je vais faire ou devenir. Aujourd'hui, je le sais, certaines soirées sont monotones depuis que mon fils vit chez sa mère. C'est Mossad, une PlayStation sans son jeune propriétaire. J'ai une liaison depuis 2 ans, elle dit que je refuse de m'engager. Elle a raison, c'est évident, sauf qu'elle oublie qu'on s'aime pas assez. Alors c'est ça ma vie, alors c'est lui que je suis, d'accord, c'est ça ma vie. Je recrache le somnifère, je vais sortir prendre l'air. J'ai un boulot qui ne me plaît pas, dont je ne vis d'ailleurs pas très bien. Je dis ça, mais je me plains pas, c'est déjà une chance d'en avoir. Je ne vous ennuie pas trop, j'espère. D'habitude, je suis pas si bavard. Est-ce que je peux vous offrir un verre? Bon bah bonsoir. Mes ambitions d'autrefois, depuis longtemps, revues à la baisse. J'ai plus de rêves, trop vieux pour ça. J'ai un ou deux projets à la place. Alors c'est ça ma vie, et alors c'est lui que je suis, d'accord, c'est ça ma vie. Et je vais je sais pas où, j'ai pas sommeil du tout. Je n'ai pas échoué, je n'ai pas réussi. Faudrait pas trop que je tarde. Les années passent comme les heures de la nuit. J'ai l'impression que c'est ma montre qui me regarde. Ça doit être l'air de la Provence. Un petit dernier, je vous embête plus. C'est propice aux confidences. Un soir de semaine, un barman inconnu. Je voyais les choses autrement, pas forcément mieux, un peu différentes. Rien d'impossible, d'extravagant. Je sais pas trop, je me rends compte que c'est ça ma vie, que c'est lui que je suis, d'accord, c'est ça ma vie. Il est 4h du mat, qu'est-ce que je fous dans cette boîte? Et voilà, nous sommes encore une fois de retour. Oh, mais dis donc, on revient tout le temps. Oh, hein? Tout le temps. Yeah, we always come back. Yeah. But it's hard to get rid of us. Until then. Mm. Yeah, well, then we're going to leave. For those who just joined us, thank you again for the pledge drive, for those who gave. And if you could not give this time, there's always going to be another time. And oh, you yes. can always give at any time, at any moment. So kfai.org/donate. And if you know people who want to do some underwriting as well, that's a good option. Or if you want to volunteer too, that's how we started, you know. Yeah. I mean, Romain started volunteering to pick up the phone to for Pledge Drive. Yeah. I started volunteering because they needed help with like the playlist and entering it into the website and the Facebook page and so all right. And the rest is history. History. So we listen to Slimane with Ainsi va la vie from his album Au bout de rêve, and Trois cafés gourmands with Ainsi va la vie with from their album Un air de rien, and just now the last one was Benabar with Alors c'est ça ma vie from his album Le bénéfice des doutes. Mm-hmm. And we enter all the songs, name, artist, time in the Spinitron. And so if you go to KFAI to Twitter, for example, you can follow the KFAI playlist and see the playlist live. Yeah. And otherwise, you can go to KFAI.org, and on the upper right corner, there's a playlist, and you can see the songs as we push them. Mm-hmm. So if you ever have a question, you can also send us an email at bonjourminnesota@gmail.com. And we'll be more than happy to respond. Of course. If we see the email. Sometimes I get email, I don't see them. Or it goes in the spam. Mm-hmm. So we're going to listen to more songs. Tonight the theme is like life and death. À la vie, à la mort. And now we should do the announcements first, right? Sure. Vous écoutez Fresh Air, radio communautaire, KFAI, 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est bien sûr Bonjour Minnesota. Ta-da. Et vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons, à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com et en direct sur Facebook. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. We also have a Facebook page. We're on Instagram. Twitter. So, and it's 9 o'clock, which means that it's what time in Paris? It is four. No, no three today. Yes. They moved. Yes. They moved. Were just 6 hours apart until... Next week. Yeah. Next weekend. Yeah. So, fun. Mm-hmm. All right. So, let's listen to more songs. And, let's do three songs and I'll come back for the events. Yes. Because there's quite a few events organized by the Alliance Française Minneapolis-Saint-Paul and some more nationwide because they're on Zoom. So, we're going to listen to Trust. Trust. Antisocial. This one is Instinct de mort. Oh. Mm-hmm. The death instinct. Mm-hmm. Instinct of death. Then we're going to listen to some kids. Zéro de conduite. With Je suis mort. I am dead. Mm-hmm. And they were on TV. And they were like teenagers, like 13, 14. And it was in the 80s. What's their names? Zéro de conduite. So they were a little bit like les mini-stars? Yeah, kind of, but they were more punk. Yeah, I don't remember Zéro de conduite. I remember les mini-stars, danse autour de la terre. But it was more like late 80s, les mini-stars, because my brother used to listen to them and stuff. And les mini-stars, they sang... Zéro de conduite is more like punk, like really early 80s. Because les mini-stars, they also sang... the theme song for an animated series called Les Mondes Fantastiques, I think. I don't remember this one. With the pangolins. Où sommes de pangolins? No, okay. That doesn't ring a bell. Huh? Well, I didn't watch that series, but I just remember the minister doing that. Singing that. Okay. Uh-huh. And then Berrurier Noir, a punk band with La Marche Funèbre de la Jeunesse Suicidaire. Eh ben. It's a mouthful, but... Et quel programme? Yeah, it's the funeral march of the suicidal youth. Mm-hmm. So that's a fun one too. All right, and we'll come back and talk about the events after that. Très bien, c'est parti. Les puissants filoquets et bien d'autres m'écrivent. Crois-le, continuer comme si la promis de la haine. Destiné à trôner en haute de sécurité, croyant du tabassage à punité calculée. Le crime glorifié au son de la Marseillaise, et en place publique son corps est exposé. C'est dans des prisons qu'on fabrique le crime, les puissants filles qu'un d'autres mesrines. C'est dans des prisons qu'on fabrique le crime, les puissants filles qu'un d'autres mesrines. L'ordre peut régner de la mort. Et voilà. Nous sommes de retour. Exactement. Encore une fois. Encore une fois. One more time. Yes. Yeah. So what did we listen to, Freddie? So we started with Trust, with Instinct de Mort. Then Zéro de Conduite, from 1984, with Je suis mort, I am dead. And Les Berruriers Noirs, with La Marche Funèbre de la Jeunesse Suicidaire. Eh ben. I had to take a big breath before, yeah. And we're going to talk a little bit about the events coming up. Mm-hmm. So, the first thing I want to say is that next Tuesday, we're going to have the new Riverside Ramblers. We're going to have just Eric coming and see us. Mm-hmm. But we're going to play some tune, some Cajun tune. And the reason for that is because on Saturday, November 13th, starting at 7:30, there's going to be the 30th anniversary show dance of the new Riverside Ramblers. Cool. It's going to be at Eagle 34. You know, it's like 2507 East 25th Street in Minneapolis. And yeah, that's going to be fun. So Cajun next week. And if you want to go see them, there's a, I think there's a little bit of a fee to get in, but it's really not, it's very reasonable. So yeah, check it out. And if I get a Facebook event, I will share it. I haven't had time today. I had the day off, so I was busy. then on Tuesday, November 9th, and it's at 11 a.m. PST, so that makes it 1 p.m. CST, with the Federation of Alliance Française USA, there's a online event about Christian Dior, Destiny, the Authorized Biography. And yeah, so Fédération de l'Alliance Française. And if you want more information, you can go to afmsp.org and there's a link to the event. It's in English. But that's okay. Yes, I think so. Most people will be able to do fine. Then on Saturday, November 6th at 1 p.m. Central, also organized by the Federation of the Alliance Française USA, Pursuing the Dream, Living and Investing in France with Adrienne Leeds. And it's also online through a Zoom presentation. So if you want more information, you can go to afmsp.org. And you, Romain, you are telling me that this lady is the... Yes. Is on HGTV. And she's on HGTV. There is a show called House Hunters International, and we don't have cable. But when I can watch HGTV, usually it's like at 10 p.m. And it's interesting when it's in France. And she's the specialist of France. Yes, I think it's primarily in Paris that she is located, but she helps Americans who need or want to settle in Paris, even if it's just for, you know, a few years, if they just want to rent or so, yeah. Very nice. Also, on November 6th, there is the Petit Déj. So it's Saturday between 9:30 and 11:30, and it's at the Alliance Française itself in Minneapolis, Saint Paul, so it's on Colfax. And they are talking about COVID requirements, so you know, they might they require like proof of vaccinations and things like that. So for more information, but the Petit Déj is a French conversation group. I mean, it's very casual, so even if you don't speak very well and just want to listen, some people do that sometimes. Yeah, you know. And it's always a fun event. It is. There's a there's usually quite a few people going there. Yeah. Then November 21st, we'll talk about it later. November 10th, Les Navigateurs de la Littérature Online, November 10th at 7 p.m. Central. And it's going to be about Brigitte Kernel is the author, Le Secret Hemingway. So it's a book club. And I do not believe there's any fee for it. And they said that the book is available to purchase at La Boutique. And you can order it online if you want and pick it up there. So, but you need to register because it's online. So afmsp.org. November 15, 16, we'll talk about it next week. Yeah, it's an online event. It's about 80, finding a way forward. So it's a panel with different people. Professor Joël Vitiello. And she's from McAllister. Yeah. And Dr. Reynold Verret. So 6 o'clock, but it's in 2 weeks. We'll talk about it again next time. Yeah, we will. But because it's on a Tuesday, next week will be pretty much the only time we'll talk about it, because after that it's going to be... that day. That day, yeah, the same day. Friday the 12th, there's going to be a karaoke. At the New Foundry. Yes, New Foundry Craft Spirits. It's 2241 Fremont Avenue North in Minneapolis, and it's really like two blocks away. From the Alliance. From the Alliance Française, which is on Colfax. So there's a fee. I mean, there's a to enter, but it's very reasonable. And it's a different fee whether you're a member or not. Yeah. It's a little bit cheaper if you're a member. And the COVID safety measures will apply. November 11th, Armistice Day commemoration. At the Brits Pub? Yes, at the clubhouse. And yeah, that's going to be, yeah, that's going to be nice. So Brits Pub is on Nicolet Mall. And there's going to be speeches and people and things like that. Starts at 6 p.m. No, starts at 7. The doors open at 6 p.m. So yeah, should be cool. Mm-hmm. Très bien. I think we're going to stop there. Oh, no, November 4th. The neuroscience of substance use disorder and the gift of hope. And it's with Nancy Espuche and Mark Thomas. It's a discussion with these two people, author, mother, advocate of substance abuse and use disorder. And Mark Thomas is from the University of Minnesota of Neurosciences, of Director of Medical Discovery, and about addiction. That seems very interesting. But I don't see the fact that it's on online, so that must be an in-person event. Yeah, it is. November 4th, 6 p.m., afmsp.org. And I think that's going to be the last one. Yes, for sure. It's the Une Promenade en Citroën exposition de Dan Raphael. So it's painting of Citroën. In sceneries, yes. In French sceneries. So it started October 22nd, and it goes until November 20th. And you can go and visit. So beautiful artwork of Dan Raphael's collection, Une Promenade en Citroën, in the Alliance Française Vallière Gallery. He's a local artist, and he's been having some show and exhibits in Los Angeles, Chicago. And there's a link to register. And they say you can come from Monday to Thursday from 9 a.m. to 7 p.m. and Friday and Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. So it's during the business hours? Yes, that's whenever they're open. All right. Eh ben, maintenant, c'est la mort ou la vie? C'est la vie. Ah. It's Life with c'est Jane Birkin. Vie. The first one is going to be with Jane Birkin. C'est la vie qui veut ça. Ah, oui. It's Life who wants that. But that wants that. And then we're going to listen to someone called Pussycat. Oh. Yeah, for real. And she's French. And you'll see it's very 60s, very yeah. Uh-huh. And the name of the song is Ce n'est pas une vie. Non. It's not a life. And it's a way to say that. It's a poor life. Not happy with it. And then Johnny Hallyday with Ce que j'ai fait de ma vie. What I did of my life, or with my life. Ouais. All right. Eh ben, c'est parti. On y va. J'aimerais te dire que je te suis fidèle, mais d'abord je trouve que ça serait pas bien, car vois-tu, ce n'est pas vrai, et autant que tu saches à quoi t'en tiens. dû trouver ça très bien. Maintenant que tu l'as oublié, tu trouves que c'est vache. Mais moi je vois pas en quoi. J'y peux rien, c'est la vie qui fait ça. C'est la vie, ça n'est pas moi. Moi je voudrais bien être autrement, mais je vois pas comment. Souviens-toi la première fois à l'hôtel. Tu m'as dit que j'étais une petite putain. Alors t'aurais préféré que je te la cache. Mais moi je vois pas pourquoi. Si tu veux me garder, il faut me prendre telle qu'elle et te faire à l'idée que j'ai des copains. Moi je te dis la vérité et tout de suite tu te fâches. Il y a vraiment pas de quoi. J'ai pas rien, c'est la vie qui veut ça. C'est la vie, ça n'est pas moi. Moi je voudrais bien être autrement, mais je vois pas comment. Nous vivons comme des robots. Ce n'est pas une vie, non. On appelle ça un monde de nouveau. Ce n'est pas une vie, non. Ce n'est pas une vie. De se lever si tôt le matin, ce n'est pas une vie, non. En cours de faire de rater son train, ce n'est pas une vie, non. Ce n'est pas une vie. Vous voyez ces gens accablés de mille soucis. Non, ce n'est pas marrant, car la vie pour eux n'est plus un paradis. Oh non. Refaisait l'amour. semble vide, comme un homme seul face à lui-même, sans plus aucun défi, et que plus rien n'étonne, comme si tout était écrit, qui enfin s'abandonne, et jette quoi de ma vie. Oui, j'ai fait quoi de ma vie? À quoi m'a-t-elle servi? Hey, à quoi j'aurais servi? Est-ce qu'on me pardonne? Est-ce qu'on m'a compris? Que pour une seule personne, c'est aujourd'hui ce que j'ai fait. J'ai fait le tour, je crois, de ce qu'on pouvait attendre de moi. Quand je regarde en arrière, je ne vois pas reste à faire. Je peux fermer le passé, je peux m'en aller pour n'importe où, comme s'il était temps de partir. Je laisse la place de d'autres avenirs, même si je me dis tant pis. Je n'ai pas tout réussi. Je pars sans regret. J'ai fait mon possible. Personne n'est parfait. À moins qu'il vienne me dire ce qu'il a fait de sa vie. Ce qu'il a fait de sa vie. Personne ne sait aujourd'hui ce que j'ai fait de ma vie. Et la nuit peut bien tomber sur mes erreurs et sur mes fautes, sur les routes que j'ai manquées, j'en ai connu d'autres. Je peux même m'en refaire et la tête haute revenir en arrière. J'ai fait ça de ma vie. Oui, j'ai fait ça de ma vie. Oh, j'ai fait ça de ma vie. Oui, la tête haute. J'ai fait ça de ma vie. The internet geeks at IP House are proud supporters of Fresh Air Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Voilà, voilà, we are back. Still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. 90.3 FM or kfai.org. Exactly. All the shows are archived. So if you go to kfai.org/program/Bonjour Minnesota, just slash Bonjour Minnesota, I think you'll get there. You have the two past show, but you also have on the right side the shows up to 2018. So if you want to listen to more songs or some older shows and things like that, feel free to check it out. Mm-hmm. We also happen to be on archive.org. All the shows since 2012. Yeah, are there. So I was not even there yet. No. So we just listened to Jane Birkin with C'est la vie qui veut ça. Then Pussycat with C'est pas une vie. Non. And Johnny Hallyday with Ce que j'ai fait de ma vie. And now we're going to listen to more songs, and that's going to be... About death. Yeah, about death. So we're going to listen to La mort d'Ophélie, the death of Ophélie. And it's from Johnny Hallyday also, mm-hmm. which is a little bit surprising. And you'll listen, it's not really typical for him. Then Mickey 3D with La mort du peuple. Mm-hmm. And then Michel Sardou with La mort, La vie, la mort, etc. Okay. On y va? Eh ben, on y va. Allez, Ophélie. C'est parti. son cri s'éteint comme une joie. La bouille monte où elle se noie. Prends sa revanche. Il a failli nous faire pleurer. Il avait tellement de chagrin. Le premier ministre agacé nous a dit qu'il faudrait s'y faire. Il était tellement affolé qu'il a mis sa veste à l'envers. On est resté le cul par terre. Et puis on a regardé en l'air. Au-dessus des maisons, le soleil et ses rayons. Au-dessus des maisons. Ce matin, les a vivement encouragés à nous dire que tout allait bien. Quand il est venu à la télé, il a mis de l'eau dans son vin, nous a simplement remercié d'un petit geste de la main. On s'est senti paumé soudain. Venait de perdre un copain. On était presque moins que rien. Alors on a regardé au loin. Au-dessus des rayons, y a plus beaucoup d'attraction. disparus, qui n'ont pas disparu, qui sont allés ailleurs. Combien d'hommes qui s'en vont parce qu'un mot à la con leur a brisé le cœur. Combien s'en sont allés, où vont les évader, chercher un guérisseur. Combien d'hommes qui reviennent parce que la femme qu'ils aiment est toujours la leur. La vie, la mort, on entre, on sort, c'est tout. On veille, on dort, on aime un corps, on y prend goût. On aime encore, encore plus fort, encore plus fou. Et puis après, la guerre, la paix, c'est tout. Combien j'en ai compté qui se sont égarés parce qu'ils étaient perdus. Dans les recoins des villes, j'en ai vu des fragiles qui dormaient dans la rue. Et combien qui s'en foutent, qui ont laissé leurs doutes sous un carré de fleurs. Combien d'hommes qui reviennent parce que la femme qu'ils aiment est toujours la leur. La vie, la mort, on entre, on sort, c'est tout. On veille, on dort, on aime un corps, on y prend goût. On aime encore, encore plus fort, encore plus fou. Et puis après, la guerre, la paix, c'est tout. On sort, c'est tout. On choisit pas, ça vient comme ça. On est choisi, c'est tout. On fait ce qu'on doit avec ce qu'on a. On est en vie, c'est tout. Et puis après, personne ne sait où ça conduit. Et on s'en fout. Voilà, voilà. So, what were the songs that we've just listened to? So, we had three songs. The first one was from Johnny Hallyday. Johnny Vacances? Yeah. The king of rock and roll of France with La Mort d'Ophélie. Mm. So, I don't know who she is, but she's dead. Oh. And after that, it was Mickey 3D avec La Mort du Peuple, or the Democracy. Mm-hmm. And the last one was Michel Sardou with La Vie, La Mort, etc. Right. And it was, yeah, it was pretty nice. So we're gonna listen to another set of three. I'm looking because, yeah, I think we should... our clock isn't working in a studio, so... It says that it's 7:16. Yes. Which is not really the case since it is... 9:47. Yes, and in 13 minutes, Nikolai should be here for... Yes, for Balkan Jamboree. Exactly. So we're going to see what we can play, but I'm going to line up Jean Ferrat with C'est beau la vie. Ah oui. Life is beautiful. And Patrick Jubé with C'est beau la vie. Uh-huh. And... Nana Mouskouri with C'est bon la vie. Non, c'est bon la vie. Ah. C'est pas beau, c'est bon. And actually, this one is the 59th Street Bridge song from Simon and Garfunkel. It's a cover in French. Mm-hmm. Nice. So we'll see what we have time to play and we'll come back to say goodbye. Eh ben, on y va. C'est parti. Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau, la vie. Hey, this is David. This is Jason. Stone on Bone Radio. Thursday nights from 8 to 10. Right here on KFAI Minneapolis. Fresh air radio for your ear hole. This is the Minnesota Dose on KFAI, sharing news and information about COVID-19. Employers are asking for them. Music venues are checking them at the door. They don't really fit into a wallet, and if you're like me, you've already lost yours once, only to be found later on the floor of Palmer's Bar. I'm talking, of course, about those oddly shaped COVID-19 vaccination record cards. If you're worried about losing yours on the floor of a dive bar, there's an app called Docket that can help you keep track of your vax. You just add an email address, birth date, and phone number, then Docket searches state immunization registries for all your shots. Not only does it store proof of your COVID-19 vaccines, but also reminds you of other doses you might be behind on. Like in my case, I'm overdue for a Tdap shot. You can find that Docket app in Apple and Android app stores. For the Minnesota Dose on KFAI, I'm Ryan Dawes. prolonger l'aube et chanter n'importe quoi. Vive la vie, que c'est bon la vie. C'est bon la vie, c'est bon la vie. C'est bon la vie, c'est bon la vie. Alors taxi, la route est longue, fais le plein pour le tour du monde. Tu vas voir comme c'est joli. Doup doupi, c'est bon la vie. C'est bon la vie, c'est bon la vie. La, la, la, la, la. C'est bon la vie. La, la, la, la, la. C'est bon la vie. Je n'ai rien à faire et pas de rendez-vous. Je suis libre comme l'air et prête à tout. La folie serait de ne pas faire de folie. Vive la vie, que c'est bon la vie. Et voilà, voilà. So we just listened to Nana Mouskouri with C'est bon la vie. Then before that, it was Patrick Juvet, star from the 70s, with C'est beau la vie. And before that, it was Jean Ferrat with C'est beau la vie. We're just going to say good night. Bonne nuit, bonne soirée. We'll be here next week. Yes, and have a good week. And we'll be here in Studio 4 next Tuesday at 8. Exactly. And we're going to listen to Véronique Sanson with Le Paradis Blanc until Nicolai and Bad Contemporary starts. All right, on y va. Weekends. Le téléphone pourra sonner.